danse, danse en racontant une histoire. Va au centre, on veut t'y voir. Si t'aimes ma musique, frappe des mains. Frappe des mains. Le son t'arrive en pleine tête, c'est total bénef. Il réveille ton squelette, sache qu'il te remet dans le sens du zèf. Figure au sol, en plein air ou en sous-sol. Sauter des cols, vas-y déconne. C'est la danse n'a pas de code. Figure au sol, en plein air ou en sous-sol. Sauter des cols, vas-y déconne. C'est la danse n'a pas de code. On fait tout tout seul ma gueule. On fait tout tout seul ma gueule. Tout seul. Tout seul. On fait tout tout seul ma gueule. On fait tout tout seul ma gueule. Tout seul. Tout seul. Dans le miroir, vas-y danse, danse en racontant une histoire. Va au centre, on veut t'y voir. Si t'aimes ma musique, frappe des mains. Frappe des mains. On fait tout tout seul ma gueule. On fait tout seul ma gueule. Tout seul. Tout seul. On fait tout tout seul ma gueule. On fait tout seul ma gueule. Tout seul. Tout seul. Frappe des mains. Frappe des mains.